Bonjour Philippe Duport. Bonjour Olivia. On parle vacances dans votre chronique, c'est mon boulot aujourd'hui, mais de vacances un peu particulières puisqu'il s'agit de congés solidaires pour réaliser un projet humanitaire souvent à l'autre bout du monde. Oui, et de plus en plus d'entreprises aident leurs salariés à partir pour ces congés solidaires. Alors le congé solidaire, ça consiste à partir loin, très loin souvent, pour donner un coup de main à des gens qui en ont besoin. Dany Saka a 27 ans, il est consultant chez Bearing Point, une grosse société de conseil, et c'est la deuxième fois qu'il part en congé solidaire. Je suis parti au sud-est de l'Inde, dans un petit village qui s'appelle Marakanam, à mi-chemin entre Pondichéry et Chennai, qui sont les deux grandes villes du sud-est de l'Inde, pour donner des cours d'initiation à la bureautique à des jeunes indiens de la classe des intouchables, qui est la classe la plus inférieure en Inde. Au quotidien, je leur apprenais à manipuler des outils comme Word, Excel ou Internet, qui sont méconnus dans ce petit village d'Inde. Alors, les deux semaines que Dany a passées en Inde, ça n'était pas vraiment des vacances. 6 jours sur 7, il a enseigné la bureautique aux villageois. Il ne lui restait que le dimanche pour faire un peu de tourisme. Mais ce qu'il a vécu là-bas, il n'est pas prêt de l'oublier. Ce qui était fantastique, c'est que j'étais logé chez l'habitant, le responsable de l'association locale, ce qui m'a permis, moi, de me rapprocher un peu plus de cette culture indienne et d'être en contact avec ces gens-là, de pouvoir manger à leur table et d'être reçu, justement, dans leur habitation. Des congés à la dure, donc, mais grâce au partenariat entre son entreprise et Planète Urgence, Dany Saka n'a presque rien eu à payer de sa poche. Alors, à ma charge, j'ai eu à payer les frais de visa et les frais de vaccin, mais tout ce qui est coût de déplacement et coût de la vie sur place sont entièrement pris en charge par l'entreprise qui, justement, rentre dans le cadre du partenariat entre mon entreprise Bearing Point et l'association Planète Urgence. Philippe, ces congés solidaires, c'est une formule qui existe depuis 10 ans. 10 ans maintenant, ce qui a permis à 6 000 volontaires de partir en mission à travers le monde.